Je voudrais vous faire une communication sans photo, ça repose de temps en temps. Une communication qui est très peu d'histoire de l'art, qui va être une petite histoire du marbre, qui se rapproche d'une grande histoire, des luttes politiques, des luttes entre grands capitaux, des luttes entre banquiers, des luttes entre transporteurs, des luttes entre marbriers, pour vous montrer que derrière ces arrivées de blocs de marbre, qui vont faire des statues, qui vont faire des cheminées, qui vont faire des lambris, en fait, il y a un travail très dur, celui des carrières. Il y a un travail de transport. Il y a alors la mise en piste d'un nombre considérable de métiers. Le carrier, le lizzatori, par exemple, celui qui conduit les traîneaux et qui fait descendre les blocs. Les administrateurs sur place, les gens des différents États qui tiennent le marbre en Italie, des intermédiaires, des marbriers, des génois, le résident de France à Gênes, le consul de France, des marchands, tout un monde qui là aussi va s'attaquer les uns aux autres, avoir des intérêts commerciaux, des guerres commerciales, et puis le grand départ sur le bateau, des bateaux qui sont capables d'affronter les tempêtes de la Méditerranée, un certain type de tempête. Et les tempêtes de l'Atlantique, qui ne sont pas les mêmes, pour faciliter les choses, qui vont faire le tour de la Méditerranée, parfois avec un arrêt et un transbordement à Toulon, parfois un arrêt et un transbordement à Marseille, selon les époques, parfois des arrêts au bord de la route, parce qu'il faut quand même bien faire un peu d'autres transports que du marbre. Alors on peut s'arrêter en Espagne éventuellement, on peut s'arrêter à Bayonne, on peut s'arrêter à Bordeaux, on peut s'arrêter à Brest quand c'est la marine, enfin on va arriver au Havre, mais parfois si le bateau est dirigé vers l'Angleterre, parce que c'est un bateau hollandais, ben, il va faire Londres et puis le Havre, ou le Havre, Amsterdam, Anvers, Londres. Donc, des courants commerciaux difficiles à suivre. Arrivé au Havre, ce qui concerne le marbre royal, c'est difficile, le Havre. Tout petit port, on peut pas entrer. De toute façon, les bateaux royaux, ils ont des quilles, bateaux royaux, les bateaux français en général, ils ont des quilles très très longues, et donc il est impossible d'entrer dans le port. Donc on décharge de nouveau dans l'estuaire, en pleine mer plus exactement. Alors il faut pas que ça bouge trop. On décharge sur des bateaux à fond plat. On va au Havre. On va du Havre à Rouen. Parfois on va directement à Rouen. Il y a des bateaux ces petits bateaux à fond plat qui font naufrage. Là de nouveau, on s'affaire. La marine, les officiers du port, la douane, d'autres marchands qui sont installés, les blocs vont d'ici de là. On va à Rouen. À Rouen, même affaire. À Rouen, on prend les péniches, on remonte la Seine, on arrive au port. Plusieurs ports. On peut débarquer tout près du Louvre, au port Saint-Nicolas. On peut débarquer un peu plus loin. On vous a parlé du port de la Conférence, c'est-à-dire en fait l'actuelle place de la Concorde, au bout des Tuileries, où il y a le magasin des marbres. Mais on peut décharger un peu plus loin, vers Chaillot. Tout dépend, il y a de la place. C'est lourd. En tout cas, c'est facile. On met les blocs, finalement. Et j'allais dire que le voisinage du Louvre et des Tuileries va certainement faciliter l'installation des magasins du marbre, qui sont, pour une part, d'abord au Louvre même, pour une part dans le quartier du Louvre, rue Fromenteau, puis près du port de la Conférence, puis du côté de l'hôtel d'Antin, puis le magasin de Chaillot, donc une succession de magasins où s'affairent, alors de nouveau, alors sur la scène des spécialistes du transport, des voituriers paraux, des chargements, marbriers, examen des blocs, comptabilité. Donc un circuit long qui met en scène énormément de gens, énormément d'argent. Alors ce transport du marbre de Carrare et à un moindre degré le transport de marbre venu des États du Grand-Duc de Toscane est une affaire qui date de très longtemps. Louis XIV n'a pas inauguré ce système. Nous savons que déjà on fait venir du marbre dès le XVIe siècle. C'est la même chose que pour les Pyrénées dont on vous a déjà parlé. Le roi manifestement a pris l'habitude d'entretenir une correspondance avec la principauté du marbre, Carrare. Et donc, dès Charles IX, on envoie des envoyés du roi de France pour aider à choisir les plus beaux blocs. Marie de Médicis, elle aussi, va à la fois avoir une bonne politique d'importation, tant avec son cousin de Toscane qu'avec son cousin de Thibaut de Carrare. Et donc là aussi, l'époque de Marie de Médicis, en particulier gérée par son sculpteur florentin, Francesco Bordoni, mais aussi des sculpteurs bien insérés en Italie, Minardo, qui devient Ménard en français, il va y avoir sous Marie de Médicis une intéressante, une importante, un important trafic de marbre, en particulier des colonnes. Nous avons même un contrat dont parlera peut-être Alexandre Gady pour 108 colonnes qui doivent arriver pour la cour de France. Mais évidemment, avec Louis XIV, les choses vont changer et prendre immédiatement une autre affaire. Alors, doucement, parce que là aussi, je crois qu'hier j'ai déjà insisté sur un phénomène de périodisation. Les choses ne sont pas les mêmes au tout début du règne, quand Colbert est le grand commis que nous voyons dans les livres d'histoire, quand Louvois est l'affreux et dur surintendant des bâtiments du roi, quand il y a les guerres, quand le surintendant, c'est Ardoin Mansart, qui lui-même est architecte, quand le duc d'Antin aura sa politique pyrénéenne. Donc il est évident que tant par la personnalité de ceux qui sont au pouvoir, que par les aléas de la politique, que par les décisions esthétiques, et là j'allais dire que souvent la décision esthétique précède l'arrivée du matériau. Il faut qu'il y ait désir de marbre à la cour pour qu'on fasse venir le marbre. Mais bien entendu, il n'y a pas toujours adéquation entre l'arrivée du matériau et la réalisation des désirs. Ce qui implique, par exemple, que pour la grande commande du parterre d'eau, la grande commande de 1674, il y aura un désir de marbre préliminaire à l'arrivée des blocs. On imagine une chose extraordinaire. On n'arrivera pas à la terminer dans le matériau voulu. Il n'y aura jamais le quatrième grand bloc qui aurait fait pendant au grand enlèvement de Proserpine de Girardon, lequel d'ailleurs va se placer vers 1699, bien après une commande de 1674, en ce qui concerne la fin de la réalisation. Donc un désir de marbre préliminaire. Le tout début du désir, pour le règne de Louis XIV seulement, se situe manifestement vers 1661. À ce moment-là, Fouquet a en main le pouvoir. Nous avons très peu de renseignements, une lettre toujours citée de Fouquet, qui, mal comprise d'ailleurs parce que mal transcrite, de Fouquet qui a reçu à mémoire d'un seigneur sieur d'Arcé, qui pour moi est un des futurs intéressés dans les carrières des Pyrénées, Fouquet qui donc manifestement a envoyé quelqu'un en Italie, un commis et un sculpteur, pour le grand dessin et un dessin particulier. Le grand dessin, on sait bien ce que c'est depuis très longtemps, en fait c'est le Louvre, c'est comme ça qu'on appelle l'union du Louvre et des Tuileries. Le dessin particulier, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est peut-être, nous savons bien, ce que Fouquet était un personnage qui mélangeait parfois la bourse du roi et la sienne, le dessin particulier était peut-être vous le vicomte ou Vincennes ou d'autres putes, ou d'autres désirs. Donc on envoie un sculpteur, et on considère en général, et à juste titre par des documents suivants, que ce sculpteur était Puget, Pierre Puget, jeune encore, qui part en Italie, qui s'installe à Gênes. Quant au commis, très vraisemblablement, ce n'est pas celui qu'on avait dit, c'est Claude Girardin. Girardin, qui était d'ailleurs l'un des mécènes de Puget. Girardin que l'on voit en Italie. L'équipe va bien travailler, semble-t-il, mais Fouca est arrêté, les marbres restent en Italie. Girardin va réussir à négocier le retour des marbres choisis par Puget. Manifestement, il va le négocier avec Colbert, que nous allons voir, et ces marbres vont servir en particulier au Val-de-Grâce. Ces marbres sont très mauvais, les documents postérieurs nous disent qu'il y a plein de fils, ils sont mal choisis, manifestement, ce n'est pas une réussite. Parallèlement, avant que Fouquet soit arrêté, emprisonné, en procès, Colbert qui n'est encore qu'un commis, et à ce moment-là, nous sommes juste après la mort de Mazarin, avant l'arrestation de Fouquet, nous avons un Colbert un peu intermédiaire, un personnage, nous ne savons pas très bien dans quelle mesure il est en train de comploter contre Fouquet. En tout cas, il complote pour les marbres. Manifestement, Colbert envoie une autre équipe. Il se confie à l'intendant de marine de Toulon, Arnoul, qui connaît bien, parce qu'Arnoul appartient aussi à la maison, si on peut dire, Mazarin-Colbert. Et Arnoul lui signale un munitionnaire de la marine, Jacques Boeuf, qui est un marchand de Toulon, Boeuf sans eau. Jacques Boeuf, qui donne du pain de marine à varier, qui se fait déjà une bonne fortune, que nous allons voir longtemps œuvrer sur les problèmes de marbre. Boeuf, un peu banquier. Boeuf, qui va être intéressé au tabac, et qui plus tard fera une éphémère compagnie du savon avec les savonniers de Toulon, où là, il sera détruit par les autres savonniers de la région qui vont réussir à fermer l'éphémère compagnie du savon. Donc un personnage qui est aussi intéressé, bien sûr, à la morue, aux morues. Là, ce n'est pas indifférent, parce que qui apporte la morue en Méditerranée, morue salée, indispensable pour les périodes où on ne peut pas avoir de viande, et les périodes de maigre en particulier, donc les malouins viennent charger leur morue, viennent pêcher leur morue, apporter leur morue salée en Méditerranée. Boeuf prend des cargaisons entières. On va diffuser la morue salée en Italie. Et comme fret de retour, le marbre est un très bon outil. D'ailleurs, nous savons par la suite que les armateurs malouins vont apprécier très fortement ce marbre, à la fois pour les qualités esthétiques, mais pour les qualités de lest de ce produit. Et les malouinières sont parmi les belles maisons enrichies de marbre, bien entendu très souvent de marbre travaillé par des Génois, car pour leur compte personnel, évidemment, les malouins préféreront pour leur compte apporter des statues terminées ou des balustres ou des bénitiers, plutôt que des blocs de marbre pour faire sculpter en Bretagne. Donc, Boeuf cherche un commis sur place, c'est un certain Delamère, qu'on a cru être un sculpteur, mais qui est un marchand lui aussi. Et Delamère va se rendre à Carrare, retrouver Puget, qui a été, j'allais dire, largué par les entreprises de Fouquet, qui est toujours en Italie. Et donc Puget va servir aussi à la taille de blocs de marbre pour Colbert, manifestement encore une fois pour un dessin qui est, semble-t-il, le Louvre. Et l'équipe de la mère Puget travaille bien à Carrare, sort un certain nombre de blocs, charge plusieurs bateaux, pas trop semble-t-il. Alors là, bon, mini catastrophe, les pirates attendent. Alors là, je vous dis, c'est une histoire, toujours une petite histoire. Les pirates attendent. Les pirates de Salé, c'est très difficile de passer le cap de Gibraltar. On se fait attendre là par les barques de pirates. Il n'y avait pas d'escorte. Bon, les blocs disparaissent. D'autres bateaux passent, les blocs sont très mauvais. Colbert, qui prend de plus en plus d'autorité, est furieux. Fin du premier acte. Deuxième acte, nous sommes cette fois dans les années 1664, donc Colbert a pris cette fois plus de pouvoir, maintenant ça y est, il va devenir surintendant au bâtiment du roi, il va décider d'organiser le commerce pour le roi de manière un peu plus forte. Et là, il va choisir deux fournisseurs concurrents. Premier fournisseur en date. On en choisit un autre qui ne soit pas celui de la première commande, histoire de faire jouer la concurrence. Donc il va prendre Pierre Formont, qu'on appelle parfois Fourmont dans les textes, mais qui est Pierre Formont, qui est un personnage beaucoup plus important que Boeuf. C'est un protestant, c'est un gros banquier. Il a des frères, des fils, des neveux, une famille importante, qui est à Londres, qui est à Danzig. Il est le représentant, l'électeur de Brandebourg à Paris. Il est bien installé, là, c'est son frère au Havre, à Rouen. Une surface considérable, des sommes maniées considérables, et une bonne allure culturelle. C'est lui qui va posséder en particulier un des grands tableaux de Poussin, le Triomphe de Bacchus. Donc, un personnage qui va à la fois fournir au roi du plomb, du fer, des chevaux de Barbarie, des orangers de Saint-Domingue, des livres de Leyde, des signes d'Angleterre. Malheureusement, il fait trop froid en Angleterre, les signes meurent avant d'arriver. Du maroquin, enfin tout ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment le grand fournisseur, du marbre pour l'Académie de France à Rome, et donc bien sûr du marbre. Donc un contrat de Formont en 1664, un premier contrat très avantageux, et Formont réussit à mettre un sculpteur sur place, à Carrare, qui est le sculpteur André, qui va devenir sculpteur, qui va porter le titre de sculpteur des bâtiments du roi. Dans un premier temps, il a du mal à faire passer des blocs, et puis ça devient, en 1665, c'est difficile, et puis ça devient, en 1666, mieux. Mais quand même, il ne faut pas qu'il reste le maître des choses, d'autant qu'ensuite, Formont va prendre à ferme et voir la même politique vis-à-vis d'autres types de marbre, les Pyrénées en particulier. Et donc, Colbert passe de nouveau, un autre reprend de nouveau à son service, si on peut dire, Jacques Boeuf, deux concurrents. Et Boeuf, il lui facilite un peu les choses, parce qu'on lui donne un sculpteur, Nicolas Ménard, donc deux sculpteurs concurrents, Ménard pour Boeuf, André pour Formont, un sculpteur du roi, mais qui cette fois reçoit une pension royale. Et comme Formont a les reins solides, on lui paye certains acomptes, mais quand il a apporté ses blocs, seulement à la livraison au Havre, au dernier paiement à la livraison à Paris, pour Boeuf, on est plus coulant, on lui fait des acomptes avant de commencer. Donc vraiment, j'allais dire, Colbert, pas le roi, est vraiment celui qui est le donneur d'ordre et celui qui possède la puissance financière pour Boeuf, alors que la puissance financière est du côté de Formont. Et donc Boeuf et Ménard s'installent, Nicolas Ménard du moins lui-même, s'installe à Carrare, et il est surveillé toujours par l'inévitable de la mer qu'on a déjà vu, le marchand qui est sur place pour bien le surveiller. Ça marche assez bien. Assez bien, on envoie quand même Girardon pour voir ce qui se passe. Et Girardon doit donner des indications sur les carrières en 1666. Il voit bien ce qui se passe avec Ménard, avec André. Même, on a des lettres de Louis XIV au duc de Massa pour les recommander. Et en même temps, à ce moment-là, on va mettre sur piste un troisième fournisseur, qui est un peintre génois, Borzoni, Francesco Maria Borzoni, qui est un peintre de paysage, qui a des bonnes relations avec les marbriers génois, et qui, lui, va avoir une politique surtout d'acquisition plutôt... Il y a des blocs, mais aussi de choses terminées, finies, des balustres en particulier. Et donc, ces personnages travaillent bien ensemble sur le site de Carrare avec leurs fournisseurs. Travaillent pas si pacifiquement que ça. Parce que nous savons que, à la faveur d'une affaire postérieure de Formont avec son marbrier André, nous savons qu'en fait, sur place, Ménard et André, ce sont des coups bas épouvantables. Ils s'acoquinent avec les marbriers sur place, lesquels effacent les marques de l'un, de l'autre, cherchent à avoir le monopole. Et André dit très précisément, Monsieur Formont m'a dit, de détruire la puissance de Boeuf à Carrare et de s'emparer du monopole du marché. Donc Formont apparaît sous un jour, on ne peut plus mauvais. Et ça marche, c'est-à-dire que dans les années 1671-1672, Boeuf, qui pourtant entre-temps a réussi à avoir un peu de marbre de Provence, un peu de marbre de Languedoc, Boeuf qui à la fois voit s'évanouir ses ambitions dans le savon, qui est considéré comme un très mauvais munitionnaire de marine et qui n'a plus les munitions de la marine, Boeuf jette l'éponge, va à Paris et abandonne le marbre. Reste Formont et Bordson est quand même. Là, Formont fait une erreur. Il décide de se séparer d'André. Une affaire épouvantable. On pense qu'André fait du coulage sur place. On envoie un nouveau directeur, banquier évidemment, semi-banquier, sous-banquier, banquier de la Cour de Rome. On fait arrêter André, on fait en prison, on lui fait rendre gorge, on a un inventaire, ça tombe bien. On a tout ce qu'il faut comme enquête sur le sujet. André est renvoyé en France et Formont installe deux sculpteurs anversois, les Léonard. Et donc, il continue avec ce système qui lui permet aussi de très largement mettre le pied dans le grand commerce international du marbre, aussi vers l'Angleterre, vers la Hollande, bon, pays dans lequel il est en très large concurrence avec d'autres marchands, en particulier des marchands hollandais, les Saintines, qui en hollandais Saintine. Et donc, on n'a plus qu'une rivalité, Formont, et à un degré très mineur, Bordson, et dans les années entre 1678-1680. En 80, pendant que ces gens travaillent, coup de poker des Génois. Un grand patricien génois, Francesco Maria Sauli, qui, entre autres, est celui qui a réalisé la grande basilique de Carignan, on a fait travailler Puget au début, Sauli se dit qu'il faut faire un coup sur le marbre, ça vaut le coup. Il fait contrat avec deux sculpteurs génois, Carlo Solaro et son fils Daniele Solaro. Mais en fait, les marbriers sont les hommes de paille de Sauli. Sauli n'apparaît jamais dans les documents français, peut-être pour des raisons politiques, car il ne faut pas oublier que, pour le moment, Gênes est un lieu de lutte politique et diplomatique très important entre la France et l'Espagne, avec un parti espagnol à Gênes, un parti français, la France d'ailleurs étant soutenue par un important personnage, en même temps espion et soutien de Formont, qui a dû lui graisser la patte, Giustiniani. Donc, Sauli fait tirer du meilleur marbre possible, de la meilleure carrière, le Polvaccio. Et Solaro prend contact avec le consul de France. Consul de France, les consuls, c'est la marine, c'est sous la main évidemment de Colbert. Et donc le consul de France propose du marbre comme propose un marbrier génois, très bien, etc. On ne parle pas de Sauli. Et donc on charge un bateau, le marbre est très beau, Colbert l'achète. Colbert discute, c'est un peu cher, on va réduire, on envoie un deuxième bateau. Il est tellement beau, Colbert l'achète. Mais Colbert dit, c'est fini. Alors maintenant, la carte forcée, c'est fini. Moi, j'ai des fournisseurs, je ne veux plus. Ça fait rien. Toujours contrat Solaro-Sauli, on envoie un troisième bateau. À ce moment-là, Solaro père meurt. Et son fils livre en 1681 pour des sommes faramineuses qui représentent 3% du budget des bâtiments du roi, ce qui est considérable en 1681. Donc un coup superbement réussi pour du statuaire, probablement aussi tous ces marbres de couleur que donne Carrare, c'est-à-dire la brèche violette de Serravezza, probablement aussi du turquin, Bardiglio, probablement aussi du verre de Polcevera, du verre de Gênes. Mais c'est épisodique, ça ne marche pas à tous les coups. Et surtout, 1683, Colbert meurt. Colbert meurt, donc c'est à ce moment-là vraiment un coup d'arrêt pour ce système des marchands presque un peu freelance, si vous voulez, Solaro. Alors Borzone est mort entre-temps. Quant à Formont, lui déjà était en grosse difficulté. Il a des très gros paiements, 100 000 livres, 120 000 livres, mais il est protestant. En 1680, on avait interdit aux protestants d'avoir des charges officielles. On va en exempter Formont parce qu'il est conseiller du roi. Sieur de Brévannes, conseiller du roi. Mais bon, il est quand même sur la touche. Et évidemment, quand en 83, fin 83, septembre 83, Colbert meurt, Louvois prend exactement le contre-pied de son prédécesseur. Formont, c'est fini. D'ailleurs, il va mourir. Ses fils s'exilent, partent. Ils partent en Brandebourg, pour lequel ils avaient des liens très importants. La veuve se débat dans des difficultés inextricables. Elle arrive d'ailleurs un peu à vendre, finalement, le marbre des Pyrénées qui va lui rester. Elle arrive à vendre quelques orangers, mais enfin, c'est la fin de la maison, la chute de la maison Formont est aussi lamentable que la chute de la maison Boeuf, quelque temps auparavant. C'est quand même que justice, puisque Boeuf avait été ruiné par Formont. Et donc, Louvois décide de prendre une compagnie qui soit une vraie compagnie officielle, une compagnie des marbres royales, comme vous êtes des compagnies. Donc un contrat, il faut dire qu'il avait un peu tâtonné avant de faire ça. Il avait d'abord envoyé quelqu'un en mission à Gênes, une mission pas très rentable. Il avait essayé de reprendre la collaboration avec Solaro, mais on avait envoyé des dimensions de blocs tellement extraordinaires à Solaro à Gênes que celui-ci a déclaré forfait. Donc, une vraie compagnie avec un contrat en 1684, un contrat avec trois personnes, Jean Audicaire de Blancourt, André Lebrun, André Castille, auquel s'ajoute un conseiller du roi qui est commissaire des guerres à Paris, lié à Louvois, qui est évidemment qui vient de la guerre, Pierre Baudelot, et un conseiller du roi trésorier payeur de la gendarmerie, lui aussi, bien sûr, un homme de Louvois, Jacques Caouette. Mais en fait, les gens importants, c'est Audicaire de Blancourt, André Lebrun, qui est un Toulonnais, on va retrouver toujours un peu Toulon dans ces histoires, et André Castille. Alors, Audicaire de Blancourt, c'est un personnage tout à fait bizarre. Il va être un faussaire, il va travailler pour la célèbre officine de faux qui donne des titres nobiliaires à ceux qui n'en ont pas. Évidemment, c'est une machination qui est bien connue dans d'autres lieux. Et donc, Audicaire de Blancourt finira sa vie à la Bastille, enfin, sera embastillé vers 1700 pour faux et trafic de faux. Personnage peu recommandable. André Lebrun, je sais pas très bien qui c'est comme Toulonnais, je le vois pas à Toulon pratiquement. Lui, ça va être affreux, il va passer sa vie à comploter contre un des sculpteurs français de Carrare, Honoré Pelé. Pas Carrarigène. Il va comploter pour dire c'est moi qui ai les commandes du roi alors que ce n'est pas vrai. À la fin, il sera en procès. Le duc de Massa lui fera un procès et on le voit finalement personnage un peu interlope entre le roi de France et le duc de Massa jusqu'en 1706. Il va d'ailleurs bien s'insérer à Carrare. Il va épouser la fille d'un comte. Enfin, c'est quelqu'un qui sait y faire. Quant à Pierre Castille, le pauvre malheureux, lui, ça va être la victime. Il va faire les contrats, être un homme manifestement assez administrateur. C'est lui qui passe les contrats pour louer, pour noliser les bateaux, pour passer des contrats avec des marbriers pour la Provence, le marbre de Trèves, pour la Sainte-Baume avec Gaspard de Mion et pour le Carrare, bien entendu. L'affaire marche assez bien. Dans un premier temps, la compagnie se met en route. Ils ont des lettres de recommandation. Ils louent pour une large part des flûtes royales. C'est ce qui va d'ailleurs les ruiner, parce que Formont utilise essentiellement ses bateaux à lui. Boeuf réussit à noliser toute une série de bateaux privés. Eux, manifestement, la compagnie du marbre nolise des flûtes royales. Or, malheureusement, les flûtes royales, c'est beaucoup plus cher que les autres. Parce que quand on nolise une flûte royale, il faut payer l'équipage pendant tout le temps où on les occupe. Ça veut dire que quand les blocs n'arrivent pas parce qu'il y a une tempête, parce que le marbrier n'est pas prêt, parce qu'il y a... on continue à payer l'équipage. Et donc, des grosses flûtes partent, gros bateaux à la flûte. La baleine, son nom l'indique, qui est faite pour le transport des marbres, qui d'ailleurs ira à Leptis Magna. La baleine, le chariot, le Saint-Jean-Baptiste, toute une série de bateaux commencent à faire la Noria entre 1684 et 1686. Le problème, c'est que les équipages râlent, les capitaines sont mauvais, il y a des affaires épouvantables avec la marine, d'autant plus que la marine, à l'époque de Colbert, était entre la main de Seignelay, donc la famille Colbert tenait bien sa marine. En revanche, quand la marine et les bâtiments du roi, alors qu'en 1684-86, la marine, c'est toujours Seignelay, mais les bâtiments du roi, c'est Louvois. Et il n'y a pas un courant d'amitié particulier qui unit les deux personnages. Donc la marine travaille pour Seignelay, d'ailleurs à titre particulier, très largement, pour Sceaux. Les marbres sont chargés pour Seignelay, sont les marbres de Leptis Magna, par exemple, en Libye, sont de la propriété personnelle du secrétaire d'État à la marine. Et donc, si on peut donner de temps en temps un petit coup de main au bâtiment du roi parce qu'on vous demande de le faire, disons que ça n'appartient pas à la même administration. Ici encore des difficultés. Bref, la marine proteste tellement que c'est la rupture. On rompt le contrat de l'ancienne compagnie des marbres et Louvois refonde une nouvelle compagnie des marbres en août 1686. Dedans, il y a un peu les mêmes, ceux qui sont fait bien voir à la cour, au Dicaire de Blancourt, par exemple. Et puis, il y a d'autres intéressés, Claude de Lestre, qui est secrétaire et conseiller du roi, Claude Acot, lui aussi conseiller du roi, Simon de Montgrand, lui aussi conseiller du roi et domicilié au Havre, ça facilite les transports. Et manifestement, ne participant pas au contrat, mais personnage principal de la compagnie, Dominique de Montgrand, seigneur de Mazade. Alors, Montgrand de Mazade est un Provençal, mais Marseillais. Et là, on sent un glissement de Toulon vers Marseille, qui était finalement au début du règne, raison de la révolte de Marseille, était manifestement en position d'infériorité, alors que Toulon, avec la marine, était fondamentale. Là, la marine prend moins d'influence puisqu'elle est entre les mains de la famille Colbert, et donc c'est Marseille qui prend le relais. La nouvelle compagnie va reprendre, dans un premier temps, ne veut pas prendre le brin, parce que vraiment c'est un embrouilleur. Mais finalement, le brin va à Paris, on le reprend, et la compagnie va de nouveau travailler. Une compagnie qui, de nouveau, va avoir des conflits sur les carrières, des conflits sur les transports, conflits sur les carrières parce qu'en particulier, le brin, ce grand embrouilleur, cherche à faire arrêter Honoré Pelé, sculpteur français sur place, qui travaille pour la compagnie. Bon, finalement, les choses vont s'arrêter, bien, si on peut dire. Au moment de la rupture, la guerre de la Ligue d'Augsbourg prend de l'ampleur et en 1688, la compagnie s'arrête. La compagnie s'arrête de 1688 à 1697. Il ne presse pratiquement plus de marbre de Carrare vers la France. Ça marche pour la Provence. La Provence, c'est tranquille. En revanche, c'est ainsi que l'Atlantique est une zone de pleine tempête politique. Par exemple, je prends l'exemple du marbre de Cône qui est destiné au chantier des Invalides. Il va faire à cette époque-là un périple très compliqué. Canal du Midi, Bordeaux, cabotage jusqu'à Nantes, ça on arrive, remontée de la Loire, canal de Briare, Paris. Alors c'était quand même plus facile de passer par le Havre. La pudicité qui est tirée des sables de Libye traverse la Méditerranée jusqu'à Toulon. Entre le 19 décembre 1694 et le 9 janvier 1695, c'est-à-dire ça va à un temps record, mais après ça, il faut 9 mois pour que la pudicité aille de Provence à Versailles en passant par Lyon et Roanne. Donc vous voyez que la mer, c'est indispensable, et même si pour une statue auquel on tient, Galerie des Glaces oblige, évidemment, pour des blocs de marbre, on ne va pas réussir à faire ce circuit. Donc, à l'exception de la Provence, une césure entre 1688 et 1697. Après de la Pedrisvik, nouvelle floraison. Grosse commande. De même que il y avait eu ces grandes commandes dès 1774, il y a la volonté pour le parc de Marly d'avoir des grandes quantités de marbre pour de nouvelles commandes fantastiques. Le début du parc de Marly, il n'y a pratiquement pas de statues. On achète des statues déjà toutes faites. Ou bien on récupère des statues qui viennent de Versailles, qui viennent des magasins. En 98, ça y est, Ardoin Mansart peut faire des grandes commandes pour Marly. Et grandes commandes, c'est-à-dire de nouveau Carrare. Manifestement, on passe contrat avec un marbrier royal qui était actif depuis très longtemps pour les marbres de Belgique, qui est Jérôme Derbet, spécialisé dans le marbre noir et rouge, qu'on voit très actif à Paris, mais plutôt pour des marbres du Nord. Et lui, bon, c'est parce que je pense que Derbet a les reins suffisamment solides pour prendre des contacts avec ses amis marbriers de Gênes. Et parallèlement, la marine est passée à Pontchartrain, et Pontchartrain, secrétaire d'État à la marine, s'entend très bien avec le nouveau directeur des bâtiments du roi, Jules Ardoin Mansart. Donc le courant passe dans tous les sens du terme, et en 1799-1700, ce sont les bateaux de la marine pour le marbrier royal d'Herbet qui vont tirer des blocs en Italie. Le fournisseur, c'est toujours Honoré Pelé, sculpteur français. Alors il y a bien Lebrun qui dit que c'est lui, mais bon, on le renvoie de côté. Et on fait faire en particulier les énormes blocs de Mercure et la renommée sur le cheval ailé, sur Pégase, qui sont les deux grands blocs de l'abreuvoir de Marly. Énormes blocs qui vont mettre des mois à être tirés, à être transférés à Gênes, à être transbordés sur la flûte royale. Mais parallèlement, quand même, beaucoup de plus petits blocs qui viennent de Carrare, donc sont chargés à Gênes, font généralement escale à Toulon, parce que c'est la marine de Levant, et arrivent au Havre avec leur chargement. 1702, j'ai plus de 10 ans. Mais il se passe la guerre, donc il se passe rien. 1702, guerre de succession d'Espagne. De nouveau, tout s'arrête. Alors on a dû beaucoup charger, ça permet quand même de faire les grandes commandes de Marly des années 9-10, mais ce qui reste. Avec peut-être le fait qu'à ce moment-là, peut-être il y a du marbre des Pyrénées qui arrive avec une autre compagnie, dont je ne parle pas parce que c'est pas le sujet, c'est pas Carrare, mais qui est en compagnie Chantemelle et compagnie. Et donc ça s'arrête jusqu'en 1713-14. En 13, ça va mieux. On sent que la guerre est terminée, va se terminer. Et donc, une commission est donnée à un sculpteur des galères du roi, petit-neveu de Puget, Jean III Garavac, qui a une commission sur l'inspection des marbres de Provence et à qui on confie l'inspection pour voir si on peut prendre du marbre à Carrare. En 1713, déguisé, c'est encore la guerre, Caravac, se rend en Italie, il se fait arrêter, mais c'est pas grave, il se fait arrêter au retour, mais enfin quand même il réussit à passer, il prend langue avec les différents marbriers, il fait une enquête sur les marbres, ce qu'on peut tirer. Manifestement, Carrare est en très mauvais état à l'époque. La guerre a rendu exsangue absolument les carrières, et donc Caravac fait un bon rapport. Et en 1714-1715, dernière grande expédition de la marine royale avec le marbrier royal Carrare. On est cette fois dans une autre logique. Il n'y a plus de banquiers, il n'y a pas de compagnie. C'était aussi la même chose d'ailleurs qu'en 98-99-1700, à la suite de la réorganisation d'Ardoin Mansart. C'est une époque où les bâtiments du roi, en contact étroit avec la marine, décide des expéditions de prise en main du marbre et de transfert du marbre. Voilà donc cette espèce de brèves aléas, ces histoires de guerre, qui vous montrent une très grande diversité des modes de financement. Des bâtiments du roi qui ont la mainmise sur le choix du marbre parce que ils font faire par leurs marbriers selon des mesures et des commandes précises. Ils font faire des œuvres ou tout simplement des bords de bassin, de la marbrerie pour la cascade, pour les Invalides, pour les bassins de Versailles ou pour des groupes de statues. Donc les bâtiments qui donnent des ordres à la base, qui souvent s'impliquent dans un premier temps, jusqu'au début du XVIIIe siècle, s'impliquent financièrement relativement peu, puisqu'au fond, ceux qui prennent les risques, ce sont les banquiers, ce sont les marchands, et d'ailleurs ça va toujours très mal se terminer. Enfin, il faut dire que souvent, ils ont dû s'empocher pas mal de choses, avec un commerce parallèle pour les particuliers, bien entendu. Donc, dans un premier temps, peu de risques pour le roi, beaucoup de bénéfices, alors que, au début du XVIIIe siècle, il y a une réorganisation relativement plus étatique, avec la mainmise des bâtiments du roi, la marine royale, mais à ce moment-là, finalement, des arrivées moins importantes. Ce phénomène est aussi celui qu'on va trouver pour l'exploitation des carrières françaises, dans lequel on a dans un premier temps un système de financiers, banquiers, intermédiaires qui payent ce qui est quand même le plus important, le plus financièrement parlant, c'est-à-dire ces transports, plus que l'extraction proprement dite. Et donc il va y avoir ce transfert des intermédiaires qui prennent les risques et, dans un deuxième temps, d'une exploitation plus ou moins en régie directe, en tout cas beaucoup plus dans la main du roi, du début du XVIIIe siècle. Je vous remercie.